révolutionnaire du salon. Attention, retour de manivelle. Il est trop vilain. Oui, mais tant d'y est le rouet. Il y en a l'opé pas, bon, moi, j'y n'en convoque. Révolutionnaire de salon. Attention, retour de manivelle. À bas les désordres, à bas les détournements mutineries, à bas la sorcellerie. Sinon, aïe, aïe, aïe, aïe, nous allons casser les durs et redresser les mous. Car l'enjeu est notre cher et beau pays, la République populaire du Bénin. Prêt pour la révolution? La lutte continue. Ha ha ha.